إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنواصل دراستنا وقراءتنا في سيرة الأنبياء والرسل وهذه القصص المأخوذة من كتاب الله عز وجل، وما زلنا في دراسة سيرة نبي الله عليه السلام إبراهيم، وذكرنا فضائل إبراهيم عليه السلام، فنواصل سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Donc on va commencer, bi'idhnillah, sans plus attendre sur la suite de notre assise concernant la vie des prophètes et des messagers ou des histoires qui sont tirées du Coran. Et on est toujours sur l'étude de la vie de ce noble et illustre prophète, Ibrahim, alayhi salam. Et donc, on avait, dans les assises précédentes, mentionné les vertus et les mérites, les différents mérites de Ibrahim, alayhi salam, ce qui prouve la noblesse et la grandeur de ce prophète. Et parmi ces mérites immenses qui nous indiquent la grandeur de ce prophète, le fait qu'Allah Jalla wa Ala l'a doté, lui a accordé ses comportements et ses moralités qu'avait Ibrahim, et le fait qu'Allah a fait de lui Al-Khalil, Khalil, Ar-Rahman, l'ami intime du tout miséricordieux. Et donc dans les assises précédentes, on avait mentionné les mérites et les vertus d'Ibrahim et on avait commencé ensuite l'étude de son appel, de la manière de ce qu'on appelle ça ad-da'wa, da'wat Ibrahim alayhi salam li qawmihi. Ainsi, on avait commencé d'abord à évoquer l'appel, la manière dont avait appelé Ibrahim alayhi salam son peuple à revenir vers le monothéisme pur, vers l'adoration d'un créateur unique et d'un seigneur unique. Et on a dit donc, pour étudier l'appel d'Ibrahim, cela se divise en trois étapes. Il y a eu trois étapes dans son appel, comme nous enseignent cela les grands savants, les spécialistes de ce domaine. Et on avait dit la première étape de sa prédication, de son appel, était l'appel de son père. Le fait qu'il a appelé son père à revenir au monothéisme pur et à la religion des prophètes et des envoyés. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on avait mentionné certains passages, surtout dans la sourate Maryam, dans la sourate Maryam, où il y a ce dialogue entre Ibrahim et son père, et où Ibrahim, en s'adressant à son père, lui dit « Ya Abati, Ya Abati, oh mon père, n'adore pas le shaitan, car certes le shaitan s'est fait désobéissant, était désobéissant au Créateur, au Seigneur. » Et donc on voit que ici, Ibrahim, comme on avait mentionné les versets dans la dernière assise, appelle son père à revenir à la droiture, il l'appelle au chemin droit, et il lui dit, reviens, ô mon père, en citant Ya Abati, n'adore pas Ash-Shaytan. Donc il appelle à son père à revenir au chemin droit et de ne pas adorer Ash-Shaytan. Ya Abati, la ta'boudi Shaytan, inna Shaytan kana lir-Rahmani asiya. Et donc il lui dit, ô mon père, n'adore pas Ash-Shaytan, car certes le Shaytan était désobéisseur du tout miséricordieux, traduction relative du sens du verset. Donc on avait cité la fois dernière l'éthique et le bon comportement d'Ibrahim, le respect qu'il vouait à son père en lui disant Ya Abati. Et Ya Abati, inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-Rahmani fatakuna lish-shaytani waliya. Et il lui dit encore, il réitère, « Ya Abati, oh mon père, j'ai peur qu'un châtiment venant du tout miséricordieux te touche. « Fatakuna lish-shaytani » Waliya, ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-Rahmani fatakuna lish-shaytani waliya. Donc j'ai peur pour toi qu'un châtiment te touche venant du tout miséricordieux et que tu sois pour le shaitan un allié. Traduction relative, sens du verset. Donc on avait évoqué ces versets, cette sorte de dialogue qu'il y a eu entre Ibrahim et son père, et on a vu la finesse, on a vu le style qu'a employé Ibrahim ici dans l'appel de son père, ici, douceur, respect, avec toute la considération qu'il devait à son père. Mais malgré cela, on avait dit, malgré ce bon comportement qu'a adopté Ibrahim, alayhi salam, on a vu que la réaction de son père fut rude et sévère. Donc, et malgré la sévérité et la rudesse de la réponse de son père et de la réaction de son père lorsque son père lui dit, Qala raghibun anta an ahlihati ya Ibrahim, est-ce que tu désires t'écarter? Est-ce que tu veux t'écarter de mes divinités, ô toi Ibrahim? Et la illam tantahi la arjumannak. Et si tu n'arrêtes pas, je te lapiderai, comme on avait mentionné le verset dans l'assise précédente. Donc la réponse du père d'Ibrahim fut rude et dure, mais Ibrahim répondit à cette sévérité et à cette rudesse avec douceur en lui disant « Qala salamun alayk »« Oh salut à toi, mon père, je demanderai pardon pour toi auprès du Seigneur « Innahu kanabi hafiyan » Voilà fut la réponse de Ibrahim. Et donc la fois dernière, on avait mentionné cette sorte de dialogue qu'il a eu entre Ibrahim et son père. Et là, on s'est rendu compte vraiment de cette manière d'appeler, cette manière de prêcher dont était doté Ibrahim alayhi salam. Et Allah Jalla wa Ala, comme on va le voir, avait donné cette force d'argumentation à Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim était doté de bons comportements. C'est pour cela que la manière d'appeler, la manière de prêcher, ça c'est un exemple pour toutes les générations qui viendront ensuite. Et c'est un exemple aussi pour ceux qui prêchent, pour ceux qui appellent leur famille, pour ceux qui appellent leurs proches au monothéisme, à la religion de leur créateur, d'adopter ces nobles et bons comportements. Ainsi, les enseignements qu'on peut tirer à travers la da'wa d'Ibrahim concernant son père, les savants nous disent premièrement, le bidayatu fi da'wati bil aqrabin. Le bidaya fi da'wati bil aqrabin. Awalan. Donc, la première chose d'abord, lorsqu'on commence, l'appel ici, le prêche, d'abord les proches. La priorité aux proches. Wa thaniyan, deuxièmement, et talatuf lahum fi da'wati wa khafd al janah, wa khafd al janah, wa khassatan ma'a kibarihim sinnan. Et deuxièmement, la personne qui appelle ici, qui prêche, ses proches par exemple, ou autres, alors toujours yatalattaf. Il fait toujours preuve de bonté, de mansuétude, toujours preuve de respect, de comportement dans sa prédication et de modestie. Et de modestie. Wa khassatan ma'a kibarihim sinnan wa maqaman. Et surtout lorsqu'il est face à des gens plus âgés. Face à des gens plus grands en âge ou à maqaman et en rang aussi. Donc la personne yatalattaf ma'haoula toujours. Il garde ici une bonne éthique, un bon comportement et un respect. Thalithan yatahammal min al-adha ma'a al-aqarib ma la yatahammal min ghayrihim. وذلك لمزيد حقهم والشفقة عليهم والرجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه. Et troisièmement, parmi les enseignements que nous donnent les savants, ici, la personne qui prêche, qui appelle ses proches justement au bien, alors il doit supporter. Et il va supporter justement les préjudices. Et il doit les supporter, ces préjudices. Et donc, s'il connaît du tort, et s'il connaît des préjudices, s'il subit justement des torts, lorsqu'il appelle ses proches au bien, au chemin droit, à la droiture, alors il va connaître et subir des torts, des préjudices, et il doit donc les supporter. Surtout lorsque ces torts proviennent de gens qui lui sont proches, qui ont lien de parenté avec lui. Et ils sont plus en droit d'avoir sa bonté, sa bienfaisance que autrui. Pourquoi? Parce qu'ils ont un droit sur lui du fait qu'ils sont proches à lui. Mais aussi, donc on a dit premièrement parce qu'ils ont un droit sur lui du fait qu'ils ont un lien avec lui et ce sont des proches à lui, donc il doit supporter ses torts. Et raja'an, et aussi par espoir de les sauver. De les sauver de ce mal dans laquelle ils ont sombré, dans laquelle ils ont sombré. Donc le fait de les appeler à la droiture, au chemin droit, c'est espérer les sauver justement des sentiers dont Ash-Shaytan les a fait tomber. Rabi'an, Rabi'an, muqabalat al-isadati bil-ihsan. مقابلة الإساءة بالإحسان مما ينبغي أن يتسلح به الداعية الراشد، فلا يستعمل من الكلام إلا ما طاب وحسن كما قال إبراهيم سلام عليك، وزاده إحسانا سأستغفر لك ربي. Et quatrième point que nous enseignent les savants, les points importants à tirer, les leçons importantes à tirer de cette histoire, de ce dialogue entre Ibrahim et son père. Regardez, malgré la réponse rude et sévère de son père, la réaction sévère, donc Ibrahim a subi des torts lorsqu'il appelait ses proches au droit chemin. Malgré cela, il n'a pas rendu en échange de mal. C'est pour cela que, en échange de cela, il faut rendre un bien. Et c'est pour ça que ce point-là, cette leçon à tirer, c'est muqabalatul isaati bil ihsan, faire face au préjudice, au mal par le bien, par le bien. Ne pas rendre un mal face au mal. Ne pas rendre de ce mal-là, ne pas rendre un mal, mais rendre un bien. C'est pour cela, ici, supporter le tort et face à ce tort, rendre en échange un bien et prodiguer le bien. Et il dit, c'est cela, et les savants nous disent, c'est cela, mimma yanbaghi an yatasallah bihi ad-da'iya. Et donc, le prêcheur, celui qui appelle, et si toute personne peut être un prêcheur, pour celui qui commence d'abord par sa famille, toute personne qui connaît la droiture, qui connaît le chemin droit, donc lui, il espère le bien pour ses proches, donc il va appeler ses proches au chemin droit. Alors il dit, lui, cet homme-là doit s'armer de patience et d'endurance, comme l'a fait Ibrahim, et ne pas rendre un mal par un mal. Mais s'il a subi des torts et du mal, il rend un bien, comme Ibrahim l'a fait alors que son père l'a répondu d'une manière sévère et rude en lui disant que on te lapidera. C'était une réponse dure et sévère. Tu seras lapidé et tu seras exilé. Tu te tiendras loin de nous, en quelque sorte en quarantaine. Mahjour. Son père l'a menacé de le mettre en quarantaine. Et cela pour une période longue. Donc son père l'a menacé de le lapider et il a menacé qu'il soit mis en quarantaine pour une longue période. Pour une longue période. En retour, Ibrahim, en échange, il lui a dit « Salamun alaik, paix au toi mon père, paix sur toi ». Et il a rajouté à cela, regardez comment il rend le bien face à cette sévérité, cette rudesse. Et il dit ensuite « Et je demanderai pardon pour toi auprès de mon Seigneur ». Auprès du Seigneur. Donc regardez cette noblesse de moralité, cette morale qu'avait Ibrahim alayhi salam. Il n'a pas rendu un mal par un mal. Et cinquièmement, parmi les enseignements que peut tirer de cette histoire, Ibrahim al-Khalil. لم ينفع أباه يوم القيامة ولم ينقذه من النار فوجب على كل عبد أن يشتري نفسه من الله عز وجل وأن يعمل من الأعمال الصالحة ما يكون سببا في دخوله جنة الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Et là on a un point important, cinquième point. Cinquième enseignement qu'on peut tirer de cette histoire, de cet événement, de ce fait, Ibrahim al-Khalil, lorsqu'on regarde ensuite dans les textes, Ibrahim n'a pas pu sauver son père. Regardez, malgré le rang qu'on a pris, c'est pour ça qu'il était important de mentionner les vertus et les mérites d'Ibrahim et la place élevée auprès d'Allah ou Khalil Rahman, comme on l'a dit, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui dont Allah jalla wa ala a élu, avait choisi pour élever les fondations de la Kaaba. Regardez, celui qui sera revêti le premier le jour de la résurrection, celui qui a ce haut rang, celui qui est le père de la prophétie, Allah jalla wa ala a mis dans sa descendance, comme on a dit, le livre et la prophétie. Ab al-Anbiya. Et malgré cela, Ibrahim n'a pas pu sauver son père. Et donc, le jour de la résurrection, son père ne serait pas sauvé. Et là, c'est un enseignement très important. Pourquoi? Parce que malgré le rang et le degré qu'occupe Ibrahim, alayhi salam, il n'a pas pu sauver son père. Cela veut dire que les personnes doivent s'en remettre véritablement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces histoires-là ne sont pas cités en vain, il faut vraiment les méditer et tirer les leçons importantes à cela. Si Ibrahim, malgré son rang, il n'a pas pu sauver son père, c'est que cette guidée-là n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les gens doivent s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vraiment que ce retour, notre retour soit exclusif vers Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne pourra rien pour personne. Personne ne pourra rien pour personne ce jour-là. Tous les gens seront faibles, tous les gens seront indigents, seront pauvres. Tout le monde aura besoin du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, du Créateur. C'est le Créateur qui fera rentrer les gens au paradis. Et c'est pour ça que les gens ont besoin de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui lui donnent des associés ici-bas, ceux qui invoquent autre que lui, ceux qui cherchent la guérison lorsqu'ils sont malades auprès de autre que lui, ceux qui cherchent le secours auprès de autre que lui, ceux qui adorent autre que lui, que ce soit des djinns ou autres, alors eux, le jour de la résurrection, Allah les remettra à leurs associés et à leurs associés, à leurs idoles, à ceux qu'ils invoquaient. Et donc, il leur sera dit, voici vos fausses divinités, voici vos idoles, est-ce qu'à présent ils peuvent vous sauver? Revenez à vos idoles, est-ce qu'ils peuvent vous sauver? C'est pour ça que vraiment dans cette histoire, on a un enseignement, c'est que le retour, tout le retour, doit se faire entièrement vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nos bonnes œuvres, wa anna an ya'mal min al-a'mal as-salihah ma yakun sababan fi dukhulihi jannat Allah, et d'œuvrer dans cette vie d'ici-bas avec les meilleures des œuvres, d'accomplir les bonnes œuvres. Pourquoi? Pour pouvoir obtenir la récompense d'Allah et que cela soit une cause pour l'entrée de l'individu au paradis et qu'il soit sauvé du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, personne ne peut sauver l'individu du châtiment d'Allah si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et pas même Ibrahim n'a pu sauver son père et il ne pourra pas sauver son père. Et d'ailleurs, on a même un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un récit immense hein, qui laisse vraiment à réfléchir, où un jour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est adressé à son peuple. À son peuple, il leur a dit, Inni la ughni ankum min Allahi shay'a. En s'adressant à son peuple, il leur dit, moi, je ne pourrai rien pour vous auprès d'Allah. Inni la ughni ankum min Allahi shay'a. Je ne pourrai rien pour vous. Et le prophète, dans ce récit, s'est même adressé à ses proches. À ses proches, en leur disant, Inni la ughni ankum min Allahi shay'a. Certes, je ne pourrai rien pour vous. Et il s'est même adressé dans ce récit, il est dit, il s'est même adressé à Fatima, à sa fille bien-aimée. Parmi ceux à qui il s'adressait, en lui disant, Inni la ughni anki min Allahi shay'a. Même pour toi, Fatima, je ne pourrai rien pour toi. Inni la ughni anki min Allahi shay'a. Et donc, c'est pour ça, celui qui sauve les individus du châtiment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et notre tour doit se faire vers lui, et nos bonnes actions doivent être vouées à lui d'une manière exclusive. Inni la ughni ankum min Allahi shay'a. Vous avez vu comme disait le prophète, alors qu'il disait à son clan, à ses proches, à sa fille et à autres, il leur disait, je ne pourrai rien pour vous. Et donc, c'est pour cela que lorsque les gens subiront, lorsqu'ils seront ressuscités, sortis de leur tombe, il y aura ce grand rassemblement et tout le monde attendra le jugement. Ça sera tellement terrible. Donc les gens, comme on l'avait dit, chercheront l'intercession des prophètes et des messagers. Et donc ils iront se rendre chez les prophètes et les messagers. Ils iront retrouver les prophètes et des messagers. Ils commenceront par Noé, par Adam et aussi ils se rendront chez Noé et autres. Parmi les prophètes et les messagers. Qu'est-ce que leurs prophètes, le point commun, qu'est-ce que leur diront les prophètes et les messagers alors que ces gens demandent leur intercession auprès d'Allah? Ils diront nafsi, nafsi, nafsi. Dans le récit, il est dit qu'ils diront mon être, mon âme, mon âme, mon âme, nafsi, ma personne, nafsi, nafsi. Malgré leur rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, ce jour-là, personne ne pourra rien contre personne jusqu'à ce qu'il sera permis au prophète, Allah Jalla permettra au prophète d'intercéder. Mais c'est Allah Jalla qui donnera la permission. Il n'y aura pas d'intercession sans l'agrément d'Allah et sans l'acceptation d'Allah, sans la permission d'Allah, premièrement, el-izn, et deuxièmement, el-rida, l'agrément et la satisfaction d'Allah pour celui qui va bénéficier de cette intercession. Mais celui qui sauvera les gens, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, nul sauveur en ce jour-là. Nul sauveur en ce jour-là, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, il y a même un hadith qui est rapporté, en l'occurrence de Ibrahim alayhi salam, que le jour de la résurrection, yalqa Ibrahim wa abahu azar, yawm al-qiyama, wa ala wajhi azar, qataratun wa ghabara. فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك فاليوم لا أعصيك يقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون ألا تخزني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم يا إبراهيم ما تحت رجلك؟ فينظر فإذا بذيخ متلطخ يأخذ بقوائمه فيلقى في النار. Ainsi dans ce récit il est rapporté que Ibrahim le jour de la résurrection il rencontrera, et ça c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari dans le chapitre des prophètes de l'Anbiya. Donc Ibrahim, il est rapporté qu'il rencontrera son père. Et justement, dans ce récit, il est mentionné Abahu Azar. Abahu Azar. Donc son père Azar. Donc le nom de son père est mentionné aussi dans ce hadith. Ça confirme l'avis qu'on avait mentionné dans la dernière assise, lorsqu'on avait dit que son père, il est confirmé dans le Coran et aussi bien dans la Sunna, qu'il s'appelait Azar. Donc Ibrahim rencontrera son père le jour de la résurrection, avec un visage tout poussiéreux. Et Ibrahim, en résumé, lui dira « Alam aqul laka la tarsini »« Ne t'avais-je pas dit, ne me désobéis point, ne me désobéis point. » Vous avez vu, Ibrahim avait longuement appelé son père, il exhortait son père, il appelait son père. Vous avez vu dans le dialogue, comme on avait dit dans Sourate Al-Maryam, lorsque Ibrahim dit « La ta'boud al-shaytan, la ta'boud al-shaytan, n'adore pas shaytan, inna shaytan kana lir-rahmani asiyya » Par exemple, lorsqu'il dit à son père, إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. Par exemple, mais son père, lui disait, إِنْ لَمْ تَنْتَهِي لَأَرْجُمَنَّكَ. Et son père le menaçait malgré cela. Il n'écoutait pas son père. Alors que son fils, Ibrahim, voulait le mener vers le chemin droit. Alors il rencontrera son père le jour de la résurrection. Avec un visage poussiéreux, il dira « Oh mon père, ne t'avais-je pas dit, ne désobéis point ?»« Fayaqulu lahu abu, ne me désobéis point. »« Fayaqulu lahu abu. » Et son père lui dit « Aujourd'hui, la arsi, je ne te désobéirai point. »« Aujourd'hui, je ne te désobéirai point. » Et donc là, il dit « Maintenant, je ne désobéirai pas. » Fayaqulu Ibrahim alayhi salam, « Ya Rab. » Et là, Ibrahim a invoqué le Seigneur, « Ya Rab, innaka wa'adtani, alla tukhziyani yawma yub'athoun, wa ayyu khizi, aghza min abil abad. » Et donc là, Ibrahim s'adressant à Allah subhanahu wa ta'ala, en lui disant, « Oh Allah, tu m'avais promis que je ne sois pas avili le jour où les hommes seront ressuscités, yawma yub'athoun. » Et donc il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Inni harramtu al-jannata 'ala al-kafirin. » J'ai certes interdit le paradis aux impies. Et donc ça c'était la promesse d'Allah. Allah dit « Wa qad harramtu al-jannata 'ala al-kafirin. » Et donc là c'est un grand rappel. Regardez, le seul sauveur yawm al-qiyamah c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on a un enseignement aussi, c'est que le jour de la résurrection, de la rétribution, les gens ne pourront plus se racheter. Ne pourront plus se racheter. Regardez, le père d'Ibrahim alayhi salam lui dit Falyom ala arsik, aujourd'hui je ne te désobéirai plus. J'obéirai aujourd'hui. Mais il est trop tard. Il est trop tard à partir du moment que la personne a quitté cette vie d'ici-bas, alors il ne pourra plus œuvrer, il ne pourra plus réagir. Même s'il désire revenir, il ne pourra plus revenir. Même s'il désire croire, il ne pourra plus croire. Même s'il désire faire partie des vertueux et des bons et des bienfaisants dans cette vie d'ici-bas et se repentir de tout le mal qu'il aurait commis ici-bas, il n'y aura plus de retour. Il n'y aura plus de retour. C'est pour ça que ces instants, ces moments, ces secondes, ces minutes, ces heures, ces mois, ces années, ces moments que vit la personne dans cette vie d'ici-bas, c'est des moments qui sont précieux. Ces instants-là ne reviendront plus. Vous savez, lorsqu'il y a un jour qui passe, c'est un jour de votre vie qui ne reviendra plus. Et donc votre vie, chaque jour, la vie de l'être humain, elle diminue. Et chaque jour, l'individu va vers son terme, vers son délai qui lui est prescrit. Donc Ibrahim n'a pas pu sauver son père. Et d'ailleurs, il est même dit dans ce récit ensuite que son père sera changé, que son père sera transformé en une sorte de hyène, en une sorte de hyène, comme c'est mentionné dans le hadith qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, à savoir que le père de Ibrahim était un façonneur celui qui faisait et qui façonnait des statues, ensuite il vendait ces statues, et donc il façonnait des fausses divinités, et il appelait les gens à adorer ces fausses divinités. Donc il a commis la plus grande abomination qui touche le droit du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, subhanahu wa ta'ala. On comprend bien que l'affaire n'est pas simple. Chaque personne doit penser à lui-même, et justement, le jour de la résurrection, les gens penseront à eux-mêmes. Donc il faut penser à sauver son être. Mais ici-bas, pendant que la personne il a la capacité, alors aussi, il doit s'efforcer de montrer le droit chemin à ses proches et ne pas désespérer de cela, ne pas désespérer. Et ensuite, comme on l'a dit, notre retour se fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, il y a cette célèbre histoire. Un jour, un homme, lorsqu'il a vu une personne, il lui a dit: quel âge as-tu? C'était un grand imam. Donc il dit à cet homme: quel âge as-tu? Il lui dit: j'ai 60 ans. Il dit: subhanallah, ittaqillah. Il lui dit: crains Allah, depuis 60 ans tu vas vers Allah. Anta mundu sittina sana tasiru ila Allah yushiku an tasil. Depuis 60 ans, tu vas vers Allah et tu es sur le point d'y arriver. Regardez, hein, ces instants dans la vie, lorsqu'on vit et lorsqu'on arrive à un âge, il faut se préparer, c'est pour ce rendez-vous. Il faut se préparer pour faire ce voyage vers un autre monde et quitter cette vie d'ici-bas. Et comme on l'a dit, il n'y aura plus de retour. Donc regardez cet imam, alors qu'il a vu une personne qui avait un certain âge, il dit à cet homme: quel âge as-tu? Donc il lui dit: j'ai 60 ans. Il lui dit: crains Allah. Depuis 60 ans, tasiru ila Allah yushiku an tasil. Tu vas vers Allah et tu es sur le point d'y arriver. Tu vas bientôt y arriver. Ton retour se fera bientôt vers Allah. Tu as déjà atteint 60 ans. Beaucoup de gens de la communauté n'ont pas atteint cet âge. Donc il lui dit: crains Allah. Il lui dit: tu as 60 ans. Depuis 60 ans, tu vas vers Allah et tu es sur le point d'arriver. Et là, l'homme lui dit: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'homme lui répond: certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Et là, l'imam lui dit: est-ce que tu connais le commentaire, l'interprétation de cette parole, de ce verset? Et là, l'imam va lui expliquer. Il lui dit: man alima annahu lillahi wa huwa ilayhi raji', faly'alam annahu mawquf. ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعلم أنه مسؤول فليعيد للسؤال جوابا فليعيد للسؤال جوابا. Et donc l'imam lui dit le sens de cela: certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui dont nous retournerons. Alors il lui dit que celui qui sait qu'il appartient à Allah, celui qui sait cela, alors qu'il sache qu'il retournera vers Allah. Et celui qui sait qu'il retournera vers Allah, alors qu'il sache qu'il sera interrogé. Et que celui qui sait qu'il sera interrogé, alors qu'il prépare les réponses aux questions. Alors qu'il prépare la réponse à la question. Voilà, toute personne qui sait qu'il appartient à Allah et vers lui se fera le retour. Alors, qu'est-ce qu'il sait qu'il est mawquf. Donc toute personne qui sait que son retour se fera vers Allah, alors ici il est en suspens. L'imam lui dit: fa innahu mawquf, faly'alam annahu mawquf. Qu'il sache qu'ici il est aux arrêts, il est en suspens. Et celui qui sait qu'il est en suspens, faly'alam annahu mas'oul. Qu'il sache qu'il sera un jour interrogé. Tout ce qu'on fait, chaque parole proférée, chaque acte, chaque action, chaque fait, on sera interrogé. Rien ne sera laissé. Rien ne sera, même des choses infimes, que pour nous elles sont infimes et minimes, rien ne sera laissé. La yughadiru sagiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Comme il est dit dans le verset de Sourate Al-Kahf, toute chose est inscrite, que ce soit des petites choses, des grandes choses, des choses minimes ou grandes, rien ne sera laissé. Il l'a, sans que ces choses-là ont été dénombrées. Et donc, rien ne sera laissé. Donc, la personne qui sache qu'il sera interrogé, celui qui sait qu'il sera interrogé, qu'il prépare donc la réponse aux questions. Donc, il faut vraiment que la personne se prépare pour ce jour. وكذلك عندنا في كتاب الله عز وجل طريقة الدعوة لإبراهيم عليه السلام وكيف كان إبراهيم يدعو قومه ويدعو أباه إلى دين الحق إلى عبادة الله عز وجل. قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Et regardez dans la sourate des bestiaux, à partir du verset 75 jusqu'au verset 79, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous relate, justement, on a un exemple de manière de prédication, la manière dont Ibrahim appelait son peuple, et cette sagacité dont il était doté, cette force d'argumentation et cette intelligence dont était doté Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, alors, un jour, qu'il était justement avec son peuple, et donc là, il y a eu une sorte de dialogue ici, et vous allez vous rendre compte de l'intelligence à travers l'appel de Ibrahim alayhi salam. Et d'abord, dans le verset 74, Allah Jalla wa'ala nous dit, rappelle-leur le moment où Ibrahim dit à son père Azar, pourquoi prends-tu des idoles comme divinité? À mon avis, toi et ton peuple, vous êtes dans un égarement manifeste. Ensuite, Ibrahim, Allah Jalla wa'ala nous dit, au sujet d'Ibrahim, que Allah étendit devant lui, lui fait voir. Il lui fit voir le royaume des cieux et de la terre. Donc Allah Jalla wa'ala nous dit qu'il fit voir à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre pour raffermir sa certitude, en quelque sorte sa croyance. C'est ainsi que un jour Ibrahim, alors qu'il était avec son peuple, il leur dit, c'est ainsi qu'un jour, voyant briller un astre à la tombée de la nuit, Ibrahim leur dit, là c'est mon Seigneur, voici mon Seigneur. Mais lorsque l'astre eut disparu, il leur dit, je n'aime pas ce qui disparaît. Donc regardez l'intelligence d'Ibrahim, il dit, فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا. Et lorsque la nuit est venue, donc, Ibrahim a vu un astre à la tombée de la nuit. Alors il leur dit, هَذَا, il leur dit, قَالَ هَذَا رَبِّي, voici mon Seigneur. Mais lorsque l'astre a disparu, alors il dit, je n'aime pas ce qui disparaît. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرْ بَازِغَا. Et lorsqu'ensuite il vit la lune, donc Ibrahim vit la lune, alors il s'écria, c'est cela mon Seigneur, voilà mon Seigneur. قَالَ هَذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Et lorsqu'ensuite la lune disparut à son tour, alors il dit, mais si mon Seigneur ne m'indique pas la voie à suivre, le droit chemin, je compterai parmi les égarés. Ensuite, فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسِ, Ibrahim, lorsqu'il a vu le soleil, il a vu le soleil, alors il leur dit, un jour lorsqu'il vit le soleil, puis vient se lever le soleil, Ibrahim s'exclama, voilà mon Seigneur, voilà le plus grand, هَذَا رَبِّي, هَذَا أَكْبَر, puisque le soleil était plus grand. فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Et lorsque le soleil ensuite disparut à son tour, alors Ibrahim dit, oh mon peuple, je me désavoue de tout ce que vous associez en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc regardez cette sagacité, regardez l'intelligence d'Ibrahim. Il voulait leur faire montrer que tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, puisqu'on a dit, son peuple s'adonnait justement à cette idolâtrie, le culte des astres, le culte des planètes comme des astres, des étoiles comme le culte du soleil, le culte de la lune. Et Ibrahim, en quelque sorte, lorsqu'au début il leur dit, lorsqu'il a vu un astre, il leur dit, هذا ربي. Alors à un moment, son peuple a dû se dire, ah, il revient à la raison. Mais regardez ce qu'il leur dit, lorsqu'il disparaît ça, lorsque l'astre a disparu, il leur dit, je n'aime pas ce qui disparaît. Je n'aime pas ce qui disparaît. Et de même, lorsqu'il a vu la lune et ensuite le soleil, lorsqu'ils disparurent, il dit, je me désavoue de vous. Et donc, il voulait leur faire comprendre que normalement, le vrai ilah, le vrai adoré ne disparaît jamais, ne disparaît pas. Et regardez cette sagacité, la manière dont appelait Ibrahim son peuple. Et c'est pour ça qu'il est dit ensuite, en s'adressant à son peuple, qui engagea avec lui une polémique. « وَحَجَّهُ قَوْمُ » Et son peuple ensuite ont polémiqué avec Ibrahim. Et regardez, Ibrahim leur dit, m'opposerez-vous au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, regardez ce qu'il leur dit, atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Est-ce que vous voulez polémiquer avec moi, rapporter des arguments, alors qu'Allah jalla wa ala m'a guidé? Wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a. Et je n'ai point peur de ce que vous donnez à Allah comme associé. si ce n'est ce dont Allah Jalla wa Ala veut. Wasi'a Rabbi kulla shay'in ilma. Allah, sa science et son savoir s'élargit sur, cerne tout, s'élargit sur tout. Afala tadhakkarun, est-ce que vous ne méditez pas, leur dit Ibrahim, est-ce que vous ne vous remémorez pas? Wa kayfa akhafu ma ashraktum? Et comment aurais-je peur de ce que vous donnez comme associé à Allah subhanahu wa ta'ala? Wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaykum sultana. Alors que vous n'avez pas eu peur de donner des associés à Allah alors qu'Allah n'avait descendu pour cela aucun argument, aucune autorité pour cela. Fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Et regardez ce que va leur dire Ibrahim, comment il va terminer cela, cette discussion avec eux. Il va leur dire, lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité? Dites-le si vous le savez. Quel est le parti, l'un des deux parties? Celui qui n'a pas peur de vos divinités, qui n'a pas peur de ce que vous donnez comme associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que vous voulez que moi j'ai peur de vos divinités, alors que vous n'avez pas eu peur de donner des divinités, de donner des associés à Allah et d'adorer des divinités en dehors de lui. Alors quel est le parti d'entre nous qui a le droit, qui est plus en droit à la sécurité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors il leur dit, dites-le si vous le savez. On va se quitter sur ça, inshallah, et on continuera, inshallah, sur la continuité de cette histoire dans une prochaine assise, si Allah nous le permet. Wallahu a'lam, fa nas'allahu ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, thabbit qulubana ala dinik, wallahu a'lam, wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.